dans le silence. Eux aussi, les nuages emportés par le vent, cherchent une contrée où doucement les souffles, pour que dans le malheur l'amour nous emmitoufle, transportent dans nos cœurs la foi des survivants. Ici se sont calmées les clameurs habituelles, les bruits quotidiens ont quitté les communes et le silence inonde les rues une à une où seulement parfois chante une tourterelle. Les tristes murs abritent les peurs étonnées de la tenue soudaine de ces vives cités qui fait suite au fracas de nos vies excitées quand chacun, sidéré, doit alors hiberner. Au terme des froids durs et des mornes semaines, on espère l'été, cet enfant du printemps. Mais là, tous, enfermés, on se tait. On attend l'hypothétique fin de cette quarantaine. Privés des cris urbains, on pénètre en soi-même. Intimidés, on entre en cette autre demeure, où l'on découvre alors nos voix intérieures qui tristement entonnent un sombre requiem.